Difficile de caser une lecture dans votre emploi du temps? Avec le livre audio, c'est possible. Pendant votre trajet quotidien ou avant de vous endormir, plongez dans un livre audio avec Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et aussi des podcasts sur votre smartphone. Des coachings audio aux fictions sonores, explorez notre catalogue. N'attendez plus, téléchargez l'appli Audible et vibrez au son des livres. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Quel 13 mars avez-vous choisi ? Le 13 mars 1989, c'est pas très vieux, c'est la date de naissance du premier site internet, plus précisément du World Wide Web, cette toile d'araignée mondiale, le fameux 3W qui précède toutes nos adresses de sites web. Dites-moi, on sait qui a inventé ce système ? Ah ben oui, bien sûr, il s'appelle Tim Berners-Lee, il faut le connaître parce qu'il est très important. C'est un des hommes les plus importants de la fin du XXe siècle, un Anglais. On l'appelle d'ailleurs Sir Timothy aujourd'hui puisqu'il a été anobli par la reine, non sans raison. On peut dire que son invention a révolutionné le monde. Déjà à la fin des années 70, pendant ses études, il s'était confectionné son ordinateur bricolé à partir d'une vieille télé. En 1980, il sort d'Oxford. Il invente le lien hypertexte, donc un système qui déjà permet de relier un document informatique à un autre. On peut dire quand même que le bonhomme a de la suite dans les idées. Je me rappelle qu'on parlait que de ça dans les années 80, d'ailleurs, c'était incroyable. Et puis, vous savez que l'hypertexte, hein, c'est cette possibilité, en cliquant sur un terme ou sur une phrase qui sont surlignées, d'être dirigé vers une page qui vous donne des informations complémentaires, etc. Et dans ces informations, vous avez de nouveau des mots surlignés. C'est presque infini, bien sûr. Bon, il a tout inventé, finalement, cet homme. Et ensuite, les sites internet. Donc. Exactement. 9 ans plus tard, il travaille au laboratoire européen du CERN, en Suisse, près de Genève. Notez que le réseau internet existe déjà, les ordinateurs peuvent communiquer entre eux, mais de manière bien plus rudimentaire qu'aujourd'hui. Berners-Lee voudrait pouvoir partager des documents scientifiques entre tous les chercheurs et s'y retrouver sans peine dans ce réseau. Il a donc l'idée d'associer son principe de l'hypertexte au réseau Internet qui existait de façon rudimentaire. Et voilà, le 3W, le World Wide Web, est né. Le tout premier site sera celui du CERN, www.info.cern.ch, puisqu'on est en Suisse. Berners-Lee va être aidé par un ingénieur belge, Robert Caillot, qui développe l'idée, c'est important de le dire. Alors évidemment, au départ, il n'y avait qu'une petite poignée de sites. Vous imaginez qu'aujourd'hui, il y en a plus d'un milliard. Certains disent même presque 2 milliards. Le World Wide Web est omniprésent. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Et oui, nous serons en compagnie d'un grand témoin du procès de Salan, juste après le putsch de 61.